Welcome back. Krakatut. Thank you. It's best you don't know what it means. It's a dialect word. It's pronounced krutatote. And it was a joke. Yeah. I don't know if my guitar sounds tuned or not. I still didn't tune my electric one. Yeah. Yeah. It was a joke. Now you know. Too loud or too quiet? No. Okay. Don't hurt me. Don't. Bravo, nice job. Thank you. Oh God, let it come in. 1 second, please. Hello, Jed. Mama loves you, baby. Daddy loves you too. And the sea may look warm to you, babe. And the sky may look blue. Hey, go on. And a million. It's okay. Stinging eyes. Don't be surprised when you're cracking the ice and appears under your feet. You step out of your depth and out of your mind with a fear flowing out behind you. The claw of thin ice. Great. Oh yeah, do your song. Stay with you. Mm-hmm. comes again. It comes again. Just close your eyes, forget all love. Listen my cries. It's in the rain. Here it comes again. Just call my name and I'll be there somewhere. Somewhere. It's in the rain. Here it comes again. Now late at night, I'll drift away. In the sun. And falling down, I'm falling down. Here it comes again. Close your eyes, forget all lies. Listen my cry. It's in the rain. Here it comes again. Job, Jav. Yeah, you played great too. Bravo, bravo, bravo, Puffy. Oh, God. Which one now? Okay, let me turn my guitar. Which one? You shine? This one? Morning. here it's evening. Late evening. Bravo. Nice job. Didn't play at all because it's not my song, you know that, Puff. I'm letting it for someone else. So, not. Okay, bye-bye. Have a great, great day. Okay. Okay. Puffy, you play something, please? Or Anan? Or Sildo? J'écoute simplement là. Je suis désolé, pour l'instant j'ai pas la basse, mais je vous écoute. D'accord, parfait. De something. Okay, thank you. That's okay. To listen. Like metronome. The lunatic on the grass. With metronome, please. The lunatic on the grass. Remembering games, daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatics are in the hall. The lunatics are in the hall. Vous êtes hors tempo, c'est casse bonbon. C'est chiant. C'est hors tempo. Alors. And if the dam breaks and opens is too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark forbiddings too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic's in my head. You raise the blade, you make a change, you rearrange me till I'm and throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if a cloud bursts and thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. If the band you're in starts playing different too, I'll see you the dark side of the moon. J'aime bien le problème, c'est que c'est le tempo, le tempi, beat in his, my preference for me is beat. Mais it's a good song. Mais il faut que tu restes dans le beat, une beat. Non, tempo. Dans le tempo. Tempo, en fait, il n'est pas métro ouais, mais si tu le mets on, peut-être que tu pourras jouer the dessus, quoi. C'est un travail, ce qui est bien pour tout le monde, même si tu joues avec des musiciens, au moins, t'auras pas de surprise, quoi. Voilà. Par contre, c'est pas inintéressant, moi j'aime bien. Non, je joue pas de la batterie, non. Je joue que de la basse et de la contrebasse. Désolé, je peux faire de la batterie, mais j'en ai pas une, donc... Mais ce qui est intéressant, c'est okay. Ta mélodie, tout ça, c'est vachement sympa. À orchestrer, c'est bien, quoi. Mais d'un autre côté, se mettre bien dans le clic, ce qu'on appelle le beat, is good. Pour tout le monde. Ouais, mais peut-être qu'on n'entend pas pareil. Moi, je vais donner le beat que j'entends. Okay. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. T'es parti à l'envers. Pareil, le pied est à l'envers de la batterie. Whose drum was that? Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, toum. Ok. Ok. Boum. Boum. Boum. Boum. Boum. Ah non, à chaque fois que tu te décales. Voilà. Boum. Boum. Boum. Ok. So the A a bit. This is the A, the E, M, and D. Ah, no, that's not. You speak French, eh? Speak French, or speak me lowly. Speak French, or English. Speak low. Low. I can je parle un petit peu français, oui. Okay. Good news. You do something to me. Très bien. Your problem is something deep inside. No straight with hang on a wire. With tempo. Yeah, I'm not with a beat. Tempo. I know. Ba ba da ba ba. Yes, yes, sure. I have aussi. No problem. Ba ba da ba ba. Back again, I'm hanging on. into the fire just to catch on flames. Aux oreilles là, et puis tu joues quoi. Voilà. Tu joues avec le tempo quoi. Bah j'écoute. Allez-y, recommencez. Thank you. pas sûr, moi. Déjà, cotonnez-vous à 100 et à 16. C'est quand même pas mal, quoi. Déjà, ce qui est le plus dur à garder, c'est en fait, c'est le tempo lent. C'est pas les tempos rapides. Les tempos rapides, tu t'envoles ou tu descends. Mais quand c'est à 100 BPM, ça devient intéressant parce qu'il faut le garder, quoi. Voilà. Moi, je suis pas d'accord pour aller à 120, quoi. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Mais c'est pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Caillou, tu me commences à me gonfler. Pareil, la basse, en fait, ton rôle, c'est même si t'as envie de jouer, il fallait choisir la guitare, hein, sinon t'es là pour soutenir. Faites un effort, putain, sur le tempo. Merde. D'ailleurs, pourquoi 64 ? Ça, 64 veut dire que ça boucle un morceau. Et là, je vois qu'il y a trois accords. Et en fait, c'est en 16. Hôtel California, ouais, c'est gentil, mais bon. C'est en 16, quoi. Ouais. Allez, apprends-moi plutôt All of Me, déjà. Et on verra après, quoi. Non, je pète pas un plomb, mais bon, je suis fatigué en fait qu'en fait ça suive pas le métronome, quoi. Putain, c'est le seul truc qu'on a pour se réunir dans des pays étrangers, c'est bien ce truc-là, c'est le métronome. Et qu'il n'est pas respecté, ça me fait chier, ouais. Voilà. Bon, maintenant je vous laisse tranquille. I think we all play a bit on hearing here. Roses are meant to be red. That's my dog that you hear. That's not a metronome. Just clicking on the floor. It's his nails on the wood. Thank you. It's in the rain. It comes again. Just call my name and I'll be there somewhere. It's in the rain. Here it comes again. Just close your eyes. Forget all lies. Oh no. Listen my cries. It's in the rain. Here it comes again. All things come and go. They come and go. But I stay with you. They come and go. All things come and go, you know. But I stay with you. It's in the rain. Here I come again. Red Lion.